Marcel Schwab. Poder. Il s'appelait Jean-François Marie Poder, ou du moins c'était le nom inscrit sur son livret. Les camarades l'appelaient Jean-Marie Nigous. Il avait des yeux clairs, gris, sans fond, un nez épaté et des dents pointues. Trapu et large d'épaules, il marchait comme un canard. D'ordinaire, il tirait sa flemme sur son lit qu'il avait poussé dans le coin de la chambrée comme le plus ancien. Souvent, il manquait à l'appel du soir, c'est qu'il était parti en bombe. Il y restait 5 jours et revenait le 6e avant d'être porté déserteur. En rentrant, il mettait pantalon de treillis, bourgeron, calot et allait trouver l'adjudant à la salle des rapports. Le lendemain, il était sous au balayage, trouvant toujours moyen de se faire apporter une cruche de vin de la cantine à la prison et à l'œil. Dans le Mazarot, il avait son coin, sa couverte et son bout de batte-flanc. Et sous le ressaut de bois qui sert d'oreiller, sa blague à tabac, un saucisson et une chandelle. Quand l'adjudant raflait le fourniment, il descellait une dalle et se creusait une cave à provisions. Il était l'ami du trompette Guiteau, qui ne parlait presque pas français, un brun maigriot à moustache naissante. Le soir, souvent, après l'extinction des feux, ils restaient tous deux à causer du pays, assis sur un lit, les jambes pendantes, Guiteau sur le pied, Poder à califourchon contre le traversin, avec une gamelle de ratat dans la fourchette de ses cuisses. Je devins leur compagnon une nuit qu'on jouait à attraper d'un coup de dent une pomme de terre pendue à la planche à pain, avec une chandelle fichée au milieu. Guiteau y mordit d'aplomb avec son rire breton. « Toi, payer bouteille de rhum, moi, boire comme une vache !» Et après la bouteille, on sauta le mur. Avec la voiture de la cantine, une corde à fourrage attachée à la galerie extérieure, c'est vite fait. Hors de la grille du quartier, on passa dans l'ombre de la guérite, loin de la lanterne du poste, et puis le long du mur. Et en route pour la vigne en fleurs, pour jouer aux 3-7, boire du rhum, prendre des états-majors et regarder la petite bonne. Quand le régiment partit pour le camp, il nous fallut, à Poder et à moi, nous appuyer la route à pattes. Le soleil de juillet tapait dur. Nos figures rouges et moites étaient plaquées de poussière blanche. C'était une poudre fine qui empâtait la langue et groulait sous les dents. Alors, Poder me tapa au fric, autrement il me chipait de la braise de bouchon en bouchon pour lamper des bolets. Et il devint mon ami dévoué. Il avait trimardé le bon Poder. Il avait mangé de la grand route à coups de souliers et dormi dans le fossé le derrière à l'air. Il avait croûté un peu n'importe comment, des fois sur le pouce, des fois pas du tout. « Vois-tu, bleu, disait-il, les trimardeurs, ça n'a pas de veine. Aujourd'hui qu'il y a des cheminots pour mener le monde dans des wagons, les pétrouscains ne vont plus en campagne. Je voudrais me mettre dans le commerce. Quand la petite sera sortie de Condis, nous aurons une roulotte. » La petite était en condition dans un château près de Quimperlé. Les messieurs étaient très avares et ne lui donnaient presque jamais à manger, un peu de gros de temps en temps. C'était de la canaille, des gens qui avaient tant d'instruction. Poder me racontait cela en m'enseignant à jouer au foutreau, un jeu terrible qu'il avait appris je ne sais où. Monsieur Foutreau dirige le jeu par l'intermédiaire d'un mouchoir avec un gros nœud. Quand on insulte le roi major ou d'autres vénérables en cartes, le mandataire de monsieur Foutreau s'écrie « 15 coups gras à monsieur, 4 coups maigres à monsieur !» Et après cette punition, qu'il fixe comme il l'entend, « Honneur à monsieur Foutreau et en avant le jeu !» J'ai su depuis que le Foutreau se jouait dans la clique à cartouches. Poder y était merveilleusement fort. Les bandes de garçons de Cambrousse qui partent à la détrousse des paysans lui avaient donné une solide éducation. Souvent, il s'arrêtait de jouer et songeait un instant. Il murmurait « Quand la petite sera sortie de Candice », puis se reprenant « Honneur à monsieur Foutreau et en avant le jeu !» C'était son rêve, cette roulotte, le bonheur à deux par la nuit noire dans la campagne, sous la bâche frissonnante, avec une petite femme qu'on tient serrée contre soi. Sans compter qu'on peut gagner dans la partie. Un soir, au camp, il me tira les pieds sous la tente. Il était terriblement saoul. « La petite est arrivée, me dit-il en hoquetant. Elle est dans la turne de la mère Legras. Veux-tu venir la voir ?» Le cabaret avait un plancher de terre battue. Deux petits cochons y grouillaient. On tirait le cidre mousseux à même le tonneau. Dans l'âtre, accroupie, était une petite bretonne aux pommettes saillantes, aux cheveux mêlés, à la taille courte. Elle leva timidement sur moi ses grands yeux noirs. « Tu as encore bu, Jean-François ? » dit-elle en l'entourant de ses bras. « Méchant !» Et Poder alors lui marmotta des paroles tout bas et s'assit près d'elle. Moi, je buvais du cidre dans les bols de faïence peinte en regardant les cochons et la mère Legras. Quand nous sortîmes sous les étoiles, Poder me disait « Elle est gironde, la petite, hein ? Mais je n'ose pas, elle va retourner au château. C'est pas encore le moment de se tirer. Nous aurons une roulotte tout de même. » Et le long de la route, au clair de lune qui découpait par les haies de grandes plaques d'ombre sur la poussière blanche, Poder me parlait de la petite et de la vie qu'ils auraient. Et fini de rouler sa bosse, et on aura un chez-soi dans sa bagnole, c'est-y pas vrai? Le lendemain soir, à l'appel, mon ami Poder était parti en bombe. Après, il entra en prison. Je le vis quelques jours, le balai à la main, le calot sur l'oreille, derrière la brouette. Il fit la marche forcée, avec paquetage sur le dos, du camp jusqu'au quartier. Et puis, un soir, je me réveille dans mon lit, la lueur d'une chandelle sur le nez. Dans le rond de la lumière, je vois la figure de Poder, marbrée de taches rouges, avec deux yeux luisants. « Donne-moi 100 sous, bleu, veux-tu » me soufflait-il. « Nous nous tirons avec la petite. » Machinalement, je passai la main sous mon fantassin et je lui tendis la pièce. Puis, me retournant, j'entendis les pas de Poder descendant doucement l'escalier. Je pensai, il m'a tapé. Puis, me rendormant, je crus voir filer sur la route blanche, à la lumière de la lune, Poder et sa petite assis l'un près de l'autre sur la banquette de leur carriole. Le petit cheval trottinant devant secouait ses deux plumeaux et l'ombre fugitive de la roulotte courait le long des fossés. Et le trimardeur avec sa copine était heureux sous la bâche clapotante. Je n'ai plus jamais revu depuis Jean-François-Marie Poder.